الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنسأل الله جل وعلا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، كما نسأله جل وعلا الإخلاص في القول والعمل، وأن ينفعنا بهذا العلم، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وبعد. Donc on va commencer sans plus attendre sur la suite de notre étude concernant la vie du prophète et du messager Nuh alayhi salam. Donc on a dit le prophète Nuh a été envoyé vers un peuple qui s'adonnait à l'adoration d'idoles et de statues. Et on avait dit alors que pendant des siècles après Adam, le père de l'humanité, alors que les gens vivaient dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que les gens formaient une seule et même nation et même communauté, et tous étaient sur un monothéisme pur, et c'était ça l'origine de l'humanité, un monothéisme pur. Ensuite, avec le temps, Shaitan insuffla aux gens le polythéisme. Son but était de faire sombrer les gens dans le polythéisme. Et cela s'est fait progressivement. Cela s'est fait par étapes. Donc, Shaitan, lorsqu'il veut faire tomber les gens dans le mal, donc souvent, il le fait par étapes. Et donc, ça se fait progressivement. C'est pour ça que dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Wala tattabi'u khutuwat ash-shaytan. Et ne suivez pas les pas de Shaitan, du diable. Donc, il est dit khutuwat au pluriel, les pas. C'est-à-dire que Shaitan vient et insuffle le mal et s'efforce de faire tomber les gens dans le mal, et cela en utilisant différentes étapes. C'est pour ça qu'Allah Jalla wa Ala nous met en garde de suivre Shaitan et donc les pas de Shaitan. Donc il va essayer de faire sombrer les hommes dans le mal, et cela d'une manière progressive par étapes. Donc la première étape, comme on avait dit dans la dernière assise, donc à l'époque, alors que les gens formaient une seule et même nation, des gens parmi eux s'étaient distingués. On avait dit en l'occurrence, il y a la mention de cinq hommes, comme ils sont mentionnés dans le Coran. Donc on avait dit l'un s'appelait Wad, l'autre Suwar, Yarouth, l'autre un autre Yaouk et le dernier Nasr. Cinq hommes s'étaient distingués pour leur piété et leur honnêteté religieuse. Ensuite, lorsqu'ils décédèrent, on a dit, alors Shaitan insuffla à cette génération d'édifier des statues à leur effigie. Et le premier but, la première intention, il leur insuffla, c'était pour se rappeler le bien. Et lorsqu'ils voulaient se rappeler la piété, les bonnes mœurs et l'honnêteté religieuse, alors ils regardaient et observaient ces représentations, ces statues. Et donc la première intention était de se rappeler le bien et de se remémorer le bien pour que ça soit une incitation à l'adoration, à la bonne dévotion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsque s'est éteinte cette génération, est venue une autre génération qui ignorait à la base le pourquoi et le comment de l'édifice de, ou l'édifice, le fait que ces statues avaient été édifiées, et Shaitan leur a insufflé que si ces statues étaient présentes et existantes, ce n'était pas en vain, mais il y avait un but, un objectif précis, était donc de les adorer. Donc on avait dit la première étape était la sacralisation de ces statues et la seconde étape était de les adorer. Donc délaissés, ils ont délaissé cette génération-là lorsqu'a émergé l'ignorance et Shaitan a exploité l'ignorance de ces gens. Ensuite, il les a fait tomber d'une manière progressive. Vous avez vu, ça s'est fait en différentes étapes et à la fin, c'était pour les faire tomber dans l'adoration de ces divinités, dans la plus grande abomination, la plus grande injustice. L'adoration de ces statues en dehors d'Allah. Et ce qui nous prouve ce fait, ce qui nous prouve cette histoire, c'est justement le rapport qui nous est rapporté d'après Abdallah ibn Abbas, le célèbre cousin du prophète, qui était une référence indiscutable en matière d'interprétation du Coran. Et justement, Al-Bukhari et d'autres rapportent, et c'est aussi dans l'explication dans le Fath Al-Bari d'Ibn Hajar, dans l'explication de l'authentique d'Al-Bukhari, où il y a ce rapport de Abdallah ibn Abbas qui nous dit dans le commentaire que justement, Wad, Wassouar, et aussi Yarouth, et aussi Nasr étaient des hommes, donc Asma Rijal Salihin, min Qawmi Nuh. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. Vous avez vu dans ce rapport, il est d'une manière claire que Abdallah ibn Abbas nous dit bien que ces hommes étaient des Wad, Waswar, Yaruth, par exemple, et aussi le dernier, Nasr, étaient des hommes vertueux et pieux du peuple de Nour. Et lorsqu'ils ont péri, c'est là que Shaitan leur a insufflé eh ben, d'édifier ces représentations, ces statues à leur effigie. Et elles ont été nommées par leur nom. Mais dans un premier temps, elles n'ont pas été adorées. Mais c'est lorsque cette génération eh ben, a laissé place, s'est éteinte, a laissé place à une autre génération, et le ilm a commencé, la science a commencé à s'oublier, ensuite elles ont été adorées. Et donc, Nour, donc ça c'est en résumé de ce qu'on a appris hier, et donc j'ai cité le rapport de Abdallah ibn Abbas pour prouver ce fait. Et donc, ensuite, Nour fut envoyé à ce peuple. On a dit que maintenant, ce qui était intéressant de comprendre, on a dit que lorsque Nour ensuite fut envoyé à son peuple, c'était pour les appeler à revenir à l'adoration de leur créateur unique, à l'adoration de leur Seigneur seul et unique. Et on a dit que les premiers qui ont refusé, qui étaient contre Nour, alayhi salam, c'était donc les sages, les dirigeants et les notables de son peuple. Et les notables de son peuple. Et justement, ils se sont dressés en premier contre lui, en lui disant « Ô Nour, ce que tu nous demandes est un égarement manifeste. » Et donc les notables lui disaient que sa demande, son appel, le fait de revenir à l'adoration de leur créateur unique, pour eux, ils considéraient cela comme un égarement manifeste. Et c'est pour ça que dans le verset, il est dit, traduction latine, « Nous te voyons dans un égarement manifeste. » Donc, ils disaient, vous avez vu, ils argumentaient contre Nour, que pour eux, il était dans un égarement manifeste. Alors que c'est eux qui avaient délaissé l'adoration et cette base, hein, et cette origine sur laquelle était l'humanité dans les premiers siècles, hein, les premiers hommes de l'humanité, comme on a dit pendant des siècles, eh ben, étaient sur l'adoration d'Allah, sur l'adoration de leur créateur unique. Et ensuite, c'est avec l'extinction de ces premières générations, et Shaitan leur a insufflé justement ce mal, et là, lorsqu'ils ont sombré dans l'adoration de divinité, ils considèrent que ça, c'est la vérité, et ils considèrent que l'appel de Nour pour les faire revenir à la vérité, c'est-à-dire à l'adoration d'un créateur et de leur créateur unique, que cela était un égarement. Alors, on constate, comme on l'a dit précédemment, dans la dernière assise, que ceux qui ont cru en Nour, c'était pas forcément, comme on l'a dit, les sages ou les dirigeants ou les notables, hein, les élites de la société, bien au contraire, c'est eux les premiers qui se sont dressés contre Nour, mais ceux qui ont cru en lui, c'était les pauvres et les faibles. Les pauvres et les faibles. Comme on voit cela à chaque génération et comme on a fait un rappel dans la dernière assise. Et ce qui prouve ce fait, ce qui prouve cela, c'est que dans un verset, dans un passage du Coran, Allah nous dit, subhanahu wa ta'ala, فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ. Dans un verset, Allah, Jalla wa'ala, traduction approchée du verset, Allah nous dit, les notables de son peuple qui avaient mécru dirent alors, nous ne voyons en toi qu'un homme comme nous. Donc regardez, Allah Jalla wa'ala nous dit, فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا. Première chose qu'ils lui ont dit, ils disent, ces notables de son peuple qui ont mécru en lui, alors ils disent, nous ne voyons en toi qu'un homme comme nous. Et nous voyons que ce sont seulement les vils parmi nous qui te suivent sans réfléchir. Donc pour eux, c'était des gens doués de bassesse, ou plutôt des gens de la basse classe, c'est-à-dire des gens vils, ce sont eux qui te suivent sans réfléchir. Et ensuite, dans le verset, il nous a dit, « Et nous ne voyons en vous aucune supériorité sur nous, plutôt nous pensons que vous êtes des menteurs. » Donc vous avez vu ici là, la réponse et la réfutation des polythéistes, justement, envers Nour alayhi salam. Et donc dans ce verset, on voit bien donc que pour eux, c'était les faibles C'étaient les faibles qui avaient cru en Nuh, alayhi salam, et justement, ils répondaient de cette manière en lui disant, nous voyons que ce sont seulement les villes parmi nous qui te suivent sans réfléchir. Et donc ces villes parmi nous, ces pauvres, ces faibles, que nous fréquentons pas, alors que nous, les grands du peuple et les riches, nous te croirons pas. Nuh, leur ont-ils répondu. Et donc on peut constater cette similitude que dans chaque génération, les premiers croyants, les premiers qui ont cru à l'appel des prophètes et des messagers n'étaient pas forcément les plus riches, les notables, les élites de la société, mais c'était souvent les faibles et les plus pauvres. Et donc, ensuite, alors qu'ils se moquaient de Nuh et réfutaient Nuh, Nuh leur répondait en leur disant, ô mon peuple, je ne vous demande pas de richesse en retour. Je ne demande pas de richesse en retour. Puisque ils demandèrent à richesse, à Nuh, alayhi salam, ils lui demandèrent, mais qu'est-ce que tu veux? Veux-tu de l'argent? Si c'est ce que tu veux, on te donnera. Et Nuh de répondre, ô mon peuple, je ne vous demande pas de richesse en retour. Mon salaire n'incombe qu'à Allah. Je ne repousserai point ceux qui ont cru. Ils auront à rencontrer leur Seigneur, mais je trouve que vous êtes des gens ignorants. Ô mon peuple, qui me secourra contre la punition d'Allah si je les repousse? Ne vous souvenez-vous pas? Puis il leur dit qu'il n'est pas un ange, ni qu'il connaît l'invisible, qu'il n'a pas les trésors des cieux et de la terre, il est un être humain comme eux. Et ça faisait partie des réponses de Nuh, alayhi salam. Et Nuh, lorsqu'il va invoquer son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, et comme on l'avait dit, Nuh appelait son peuple des générations et des générations. À chaque fois qu'une génération s'éteignait, il appelait l'autre génération à cela et au bien. Et à chaque fois, comme il nous est rapporté, ces générations mettaient en garde leur descendance contre Nuh. Donc c'était, comme on a dit précédemment, c'était une épreuve, une très grande épreuve pour Nuh, alayhi salam, et comme dit le Hafid ibn Kathir, il dit « Wa qad tatawwala az-zaman wa al-mujadalatu baynahu wa baynahum kama qala jalla wa ala fala bitha fihim alf sanatin illa 50 ama fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun » Aïe, ma hadhihi al-mudda at-tawila fama amana bihi illa al-qalil minhum. وكان كلما انقرض جيل وصوا من بعدهم بعدم الإيمان به ومحاربته ومخالفته وكان الوالد إذا بلغ ولده وعقل عنه كلامه وصاه فيما بينه وبينه ألا يؤمن بنوح أبدا ما عاش ودائما ما بقي. Et donc, comme il nous est rapporté, comme Ibn Kathir al-Hafid nous rapporte, il dit, le temps passait, les générations se succédaient et il y avait toujours cette polémique, il y avait toujours ce débat entre Nuh, alayhi salam, et son peuple. Donc son peuple ne cessait de polémiquer avec lui et ça a duré longtemps. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50. Et Allah nous dit qu'il est resté comme cela 1000 ans moins 50 ans, c'est-à-dire 950 ans. Jusqu'à ce qu'ensuite ils ont été pris par ce déluge, comme on verra plus en détail, alors qu'ils étaient injustes, avec son type du sens du verset dans la sourate l'année, le verset 14. Et Ibn Kassan nous dit, hey, et avec tout ce temps et ces longues générations, eh ben, très peu ont cru en lui comme on le verra. Comme on le verra. Certains savants ont stipulé un nombre lorsqu'il va, ensuite on va parler de ça, lorsqu'il va construire le Safina et l'arche. Certains disent qu'ils étaient très peu avec lui à être sauvés. Certains savants disent qu'ils étaient à peu près 80. D'autres savants disent qu'ils étaient à peu près 70, 72, comme c'est rapporté de Abdallah ibn Abbas. Certains disent qu'ils étaient une dizaine à peu près, 12. Donc que très peu ensuite ont cru en lui et ont été sauvés. Avec Nuh alayhi salam. Mais concrètement, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, on a un nombre précis qui est confirmé de partisans, de ceux qui ont cru en Nuh, on n'a pas de non précis. C'est des rapports qui nous sont rapportés, comme c'est rapporté par Abdallah ibn Abbas, plus de 70 à peu près. Al-Muhim, l'important c'est que les gens ensuite recommandaient à leurs enfants et mettaient en garde contre Nuh alayhi salam. Et donc le père recommandait à son enfant plus tard de ne pas suivre Nuh. Donc il y avait une mise en garde générale contre le prophète Nuh et les gens se recommandaient de ne pas le suivre. Donc c'était une épreuve, comme on l'a dit, c'était une épreuve terrible et énorme pour Nuh, pour le messager Nuh. Et Nuh, dans le Coran, son appel nous est décrit. C'est pour cela qu'il est dit dans le verset où il dit: Seigneur, j'ai appelé mon peuple nuit et jour, mais mon appel n'a fait qu'accroître leur fuite. Et il nous est rapporté que lorsqu'il les appelait, lorsqu'il leur prêchait, ils mettaient même leurs doigts dans leurs oreilles. Ils mettaient leurs doigts dans les oreilles et ils rabattaient leurs vêtements sur leur visage pour ne pas l'écouter, pour ne pas faire attention à ses paroles. C'est pour ça qu'ils mettaient les habits sur leur visage, pour ne pas le voir aussi. Donc ni ils voulaient l'écouter et ni ils voulaient le voir. Et il dit: à chaque fois que je les appelais pour que tu leur pardonnes, ils ont mis leurs doigts dans les oreilles, se sont enveloppés de leurs vêtements, se sont entêtés et se sont extrêmement orgueillis. Donc ça, c'est une traduction relative du sens des versets. Donc Nuh ici décrit son appel et il décrit leur réaction. Et donc Nuh a utilisé tous les moyens en quelque sorte pour son appel. Mais eux répondaient de cette manière, en mettant les doigts dans les oreilles et en mettant les vêtements sur leur visage, en rabattant le vêtement sur le visage et aussi en s'enflant d'orgueil. Ensuite, Nuh décrit son appel en disant: ensuite, je les ai appelés ouvertement, puis je leur ai fait des proclamations publiques et des confidences secrets, en secret. Regardez, donc il les a appelés publiquement, avec des proclamations publiques. Il leur a fait des confidences, il les prenait à part, il leur parlait d'une manière secrète. Et donc on voit que Nuh n'a pas abandonné, il n'a pas délaissé sa fonction. Au contraire, il dit à son peuple, comme c'est rapporté dans un verset, une traduction rapprochée: si vous adorez Allah, Allah vous donnera les biens de la vie d'ici-bas et les biens de la vie dernière. Implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur, pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants et vous donne des jardins et vous donne des rivières. Qu'avez-vous à ne pas vénérer Allah? Subhanahu wa ta'ala. Donc regardez, ça c'était l'appel de Nuh à son peuple. Il leur disait: mais adorez Allah. Allah vous donnera les biens de cette vie d'ici-bas et de la vie dernière. Implorez-le et demandez-lui le pardon. Et Allah, Jalla wa ala, est le grand pardonneur pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants. Donc après la mention de ces versets, et justement c'est pour ça que je vous ai répété ces versets pour qu'on puisse méditer à présent. À travers ces versets, il y a un enseignement, il y a une faïda très très importante qu'on néglige souvent et souvent qu'on ignore, que beaucoup ignorent. Regardez, Nuh alayhi salam, alors il a insisté sur un point important. Il les appelle à quelque chose de très très important. Il leur dit: demandez le pardon à votre Seigneur. Et donc là, on est dans la sourate Nuh alayhi salam, puisqu'il y a une sourate justement nommée, qui est appelée la sourate de Nuh alayhi salam. Et donc, Nuh alayhi salam, il leur demande et leur dit: Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Demandez pardon à votre Seigneur, car il est certes le grand pardonneur. Donc, il les appelle à ce qu'on appelle l'istighfar. L'istighfar, c'est la demande de pardon pour qu'Allah nous accorde l'absolution de nos fautes et de nos péchés. Et ça, c'est une grande adoration. Il les appelle à l'une des plus grandes adorations. Cette adoration, le fait de demander pardon, le fait de se repentir à Allah, subhanahu wa ta'ala. En leur disant que Allah, subhanahu wa ta'ala, est le grand pardonneur. Donc Allah est celui qui accepte la demande de pardon et celui qui accorde le pardon pour celui qui le demande. Mais méditez ensuite maintenant le verset qui suit. Alors que Nuh alayhi salam les appelle à cette adoration immense, à l'istighfar, la demande de pardon, il leur dit maintenant les conséquences de la demande de pardon. Il leur dit: Yursilis samaa alaykum midrar. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. Et regardez, Nuh leur dit, demandez donc le pardon à Allah, car il est le grand pardonneur, pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes. Regardez, pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants, et vous donne des jardins et vous donne des rivières. Pourquoi il leur dit ça? Et là, les savants nous enseignent un enseignement très important, c'est que la demande de pardon est une cause pour qu'Allah Jalla wa Ala nous accorde la subsistance et tous les biens. Et tous les biens. Tous ces bienfaits-là qu'espère l'individu, qu'espère la personne, eh ben, la demande de pardon, c'est une cause pour l'obtention de tous ces bienfaits. Regardez, il leur dit que s'ils demandent le pardon, eh ben, c'est la cause pour qu'il vous envoie Allah Jalla wa Ala du ciel des pluies abondantes. La demande de pardon est la cause pour qu'Allah Jalla wa Ala vous envoie des pluies abondantes et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants. C'est-à-dire que celui qui veut des biens, beaucoup de biens, celui qui veut des enfants, alors parmi les causes, parmi les secrets ici, l'istighfar, la demande de pardon. Et Nuh dit aussi, et il vous donnera des jardins et vous donnera des rivières. Et il leur dit, qu'avez-vous à ne pas vénérer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc regardez, Nuh alayhi salam enseigne quelque chose de très important. Et ça, c'est un enseignement qu'il faut garder en soi, de savoir que si on demande le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, et bien ça, c'est la cause pour obtenir, pour l'obtention des bienfaits. Allah, par cette demande de pardon, il leur dit, il vous enverra du ciel des pluies abondantes, il vous accordera beaucoup de biens et beaucoup d'enfants. C'est pour ça que dans une histoire, il nous a rapporté que Omar ibn Khattab, un jour, le deuxième calife de l'islam, ce grand compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était sorti justement pour demander la pluie. Et les gens, à l'époque, se plaignaient de la sécheresse et donc ils sont sortis pour faire ce qu'on appelle l'istisqa. L'istisqa, c'est la prière pour implorer, demander à Allah, Jalla wa Ala, la pluie. Et lui, Omar ibn Khattab, comme il est rapporté par Ash-Sha'bi, Al-Sha'bi rapporte que Kharaja Omar yastasqi falam yazid ala l'istighfar. Et donc Omar, quand il est sorti pour demander la pluie, il a fait une demande de pardon, il a fait l'istighfar. Il s'est repenti et il a demandé le pardon à Allah Jalla wa Ala des fautes. Il n'a pas rajouté à cela. Il n'a pas rajouté à l'istighfar. Il a fait que de la demande de pardon. Hatta raja'a, jusqu'à ce qu'il est revenu. Et à ce moment-là, la pluie est tombée. Faqalu, ils ont dit à Omar, oh Omar, on ne t'a pas vu demander la pluie. Tu n'as pas fait cette requête et cette demande. Il s'était juste contenté de faire ce qu'on appelle, comme on l'a dit précédemment, al-istighfar, la demande de pardon. Ils ont dit, on ne t'a pas vu demander la pluie. Faqal, et c'est là qu'il leur a rappelé ce verset. Il leur a rappelé le verset « Fastaghfiru Rabbakum » comme dans la sourate Nuh, comme a dit Nuh. « Fastaghfiru Rabbakum » demandez pardon à votre Seigneur. Faites l'istighfar. Et donc Omar leur enseigna qu'il a fait tout simplement l'istighfar et que ça c'est une cause pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse descendre la pluie du ciel et envoie du ciel ces pluies qu'il convoitait et qu'il voulait. Et de ce fait aussi, il nous est rapporté qu'un jour, un homme s'est rendu chez Al-Hassan. Al-Hassan, Al-Hassan al-Basri, c'était un grand imam, connu pour son ilm, pour sa science, pour ses sagesses. Et donc un homme s'est plaint de la sécheresse. Faqala lahu, l'imam lui a dit, Istaghfirullah, demande pardon à Allah. Un autre homme est venu à lui, wa shaka akhar ilayhi al-faqr. فقال له استغفر الله وقال له آخر ادعو الله أن يرزقني ولدا فقال له استغفر الله وشكى له آخر جفاف بستان فقال له الإمام استغفر الله. Et donc un homme ensuite est venu à lui et lui a dit, il s'est plaint de la pauvreté, Alors l'imam lui a dit, demande pardon à Allah. Un autre homme est venu à lui et s'est plaint en lui disant, invoque Allah pour qu'il me donne un enfant. Alors l'imam lui a dit, Istaghfirullah, demande pardon à Allah. Un autre homme est venu à lui et s'est plaint de la disette et la sécheresse de son jardin. Alors l'imam lui a dit, Istaghfirullah, demande pardon à Allah. Alors les gens l'ont questionné. Donc l'imam leur a répondu lorsque les gens ensuite l'ont interrogé, puisqu'ils étaient étonnés, qu'à chaque fois qu'un homme vient se plaindre à lui d'une chose, on a dit l'un est venu se plaindre de la pauvreté, un autre lui a demandé d'invoquer en sa faveur pour qu'Allah lui accorde un enfant, et autre. Alors à chaque fois, il leur disait, Istaghfirullah, demandez pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Faqulna lahu fi dhalik, faqala ma qult min indi shay'an, inna Allah ta'ala yaqul fi surati Nuh, istaghfiru rabbakum. Et là, l'imam leur dit, je n'ai rien dit de moi-même, mais Allah dit dans le Coran, dans la sourate Nuh, demandez pardon à votre Seigneur. Et justement, Nuh, ça c'est une leçon lorsqu'il dit à son peuple, demandez pardon à votre Seigneur, il vous donnera les biens de la vie d'ici-bas et dernière. Implorez-lui le pardon, car il est grand pardonneur, pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants. Il vous donne des jardins, il vous donne des rivières, traduction relative du verset. Et donc, une personne qui, par exemple, voudrait des biens, qui implore Allah et qui demande le pardon d'Allah, une personne, par exemple, qui n'a pas d'enfants et qui voudrait des enfants, beaucoup de gens se plaignent qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Demandez le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. L'istighfar, c'est une cause pour qu'Allah jalla wa ala vous donne. Une personne qui se plaint, par exemple, d'un manquement ou d'une chose, qui veut qu'Allah jalla wa ala lui donne une chose qu'il convoite, une chose qu'il désire ardemment, alors qu'il demande le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça fait partie des causes pour qu'Allah nous octroie la subsistance. Et donc ça, c'est un grand enseignement. On continue ensuite. Ensuite, on peut constater, parmi les particularités de ce prophète, de Nuh, alayhi salam, c'est qu'il ne perdait jamais espoir. Malgré le nombre élevé d'années, malgré les générations qui se succédaient, il ne perdait jamais espoir. Et malgré aussi le fait que son peuple continuait à le prendre en raillerie, en dérision, et à se moquer de lui, en lui disant, apporte-nous donc ce dont tu nous menaces, si tu es au nombre des véridiques, si tu es du nombre des véridiques. Et Nuh, de leur répondre avec confiance, c'est Allah seul qui vous l'apportera, s'il veut, et vous ne serez y échappé. Et malgré cela, on voit même des proches de Nuh, comme sa femme, qui n'a pas cru en lui, ni même son fils. Et seul un petit nombre de personnes de son peuple ont cru à son message, comme on l'a dit précédemment. Précédemment. Et comme on verra, par contre, il a d'autres fils qui étaient avec lui dans l'arche, comme on verra dans ce qui viendra, Inch'Allah. En effet, il nous a rapporté dans un récit, et les savants nous enseignent qu'il y a trois de ses fils qui ont été sauvés avec lui dans l'arche. Il y avait l'un de ses fils qui s'appelait Sam, et l'autre Ham, et l'autre Yafith. Et l'autre Yafith. Il est rapporté dans un hadith qui a rapporté Akhraj al-Imam Tirmidhi wa Hassanahu. وكذلك ابن سعد وأحمد وأبو يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصحح عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال سام أبو العرب وحم أبو الحبش ويافث أبو الروم ويافث أبو الروم. Donc trois de ses fils qui étaient célèbres, on verra dans la suite certains détails sur cette histoire. Il y avait Sam, Waham, Wayafi, Wayafi. Donc, ensuite, Nuh, toujours face à l'entêtement et au déni, au refus de son peuple, Nuh, après des générations d'appels et de patience persévérance, il invoqua Allah. Il invoqua Allah et il demanda à Allah, subhanahu wa ta'ala, de les anéantir. Et beaucoup de savants nous expliquent que cette demande-là, il l'a fait par pitié envers eux. Car si ceux-ci restaient vivants, ils allaient cumuler encore plus de péchés, et s'ils engendraient des enfants, ils seront aussi dans l'infidélité comme eux. Et c'est pour cela qu'il est dit dans le verset, si tu les laisses, une traduction rapprochée du sens du verset, Nuh dit à son Seigneur, si tu les laisses en vie, ils égareront tes serviteurs et n'engendreront que des pécheurs infidèles. Et Nuh, ainsi, a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour que son peuple soit anéanti. Et quand il a fait son invocation, Allah, à ce moment, lui a révélé de construire l'arche. Lorsque Nuh, ensuite, a commencé à construire l'arche, comme il nous est rapporté, Nuh ne savait pas construire l'arche. Et Ibn Kathir relate dans Bidaya ou Nihaya, ce célèbre érudit grand savant, et dans ce livre, Bidaya, le début et la fin, Ibn Kathir relate que Nuh, à la base, ne savait pas construire l'arche. Et donc, il a suivi les enseignements et les instructions de son Seigneur. Les instructions de son Seigneur. Donc, Allah l'a orienté d'aller chercher du bois, comme relate Ibn Kathir dans Al-Bidaya wa Nihaya. Et donc, il a commencé à construire cette arche par enseignement. Allah lui a enseigné et il suivait les instructions de son Seigneur, Subhanahu wa ta'ala. Mais son peuple ne cessait de se moquer de lui. Son peuple, au moment qu'il commençait justement à construire l'arche, alors son peuple se moquait de lui. Du fait qu'ils étaient dans un endroit éloigné de la mer. Donc ils n'étaient pas en mer, et un endroit éloigné de la mer n'était pas proche d'une côte. Il n'y avait ni de rivière, ni de fleuve. Et beaucoup disent que c'était un endroit désertique. Et donc son peuple se moquait de lui, construire un bateau, une arche, dans un endroit désertique où il n'y a pas la mer ni de fleuve. Donc c'est quelque chose de dérisoire, c'est quelque chose d'impensable. Donc il ne cessait de se moquer de lui. Et alors qu'il était dans la construction de cette arche, alors qu'il rassemblait le bois, et il était donc dans cette construction d'une arche qui était géante et en plein désert. Les gens passaient et lui disaient, Nuh, tu es devenu fou. Avant, tu nous appelais à ta religion et maintenant tu construis une arche en plein désert. Et pour eux, c'était quelque chose de dérisoire. Et Allah, Jalla justement, dans un verset, nous dit, Wa kullama marra alayhi mala'un min qawmi sakhiru min. Et Allah nous dit dans le verset, justement dans la sourate 11, le verset 38, regardez ce verset à méditer. Et il construisait l'arche, et chaque fois que des notables de son peuple passaient près de lui, il se moquait de lui. Et il se moquait de lui, et lui disait, Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum. Et comme vous vous moquiez de nous, nous, nous nous moquions de vous. Kama tascharoun. En d'autres termes, alors qu'eux riaient et se moquaient de lui, nous restait toujours patients et il leur dit, si vous vous moquez de nous, eh ben, nous nous moquerons de vous comme vous vous moquez de nous. Et vous serez bientôt qui viendra, et vous serez bientôt à qui viendra châtiment. Qui l'humiliera et sur qui s'abattra un châtiment durable. Pendant des années, alors, son peuple s'étonnait de ce que faisait Nuh. Et même, il lui disait, il lui reprochait, alors tu nous appelais Allah, est-ce que as-tu délaissé cela? Tu nous appelais Allah et maintenant tu es devenu un menuisier. Et de ce fait, il se moquait de lui de la sorte en disant que tu es devenu un menuisier, tu as délaissé ton appel pour devenir un menuisier et construire cette arche. Et Nuh, malgré cela, il patientait. Donc regardez la patience et le comportement des prophètes et des messagers. En aucun cas, il a semé la terreur dans la société. En aucun cas, il a semé la discorde, le désordre. En aucun cas, il a véhiculé des mauvais caractères et des mauvais comportements. Mais il a toujours été patient, il a toujours été endurant. Et on voit que c'est ça les signes de la prophétie. Et c'est ça les signes de tout bien. Et c'est ça la religion véritable. C'est malgré les dérisions, malgré les préjudices que subissent les croyants, ils gardent toujours un bon comportement et ils ne rendent pas le mal par le mal. Donc regardez, le prophète Nour, malgré tout ce qui lui a affligé, n'a jamais semé la terreur, n'a jamais semé le désordre dans la société, n'a pas appelé à cela. Et donc, il était toujours dans la construction de l'arche. Et c'est plus tard après que Nour ait fini la construction de l'arche, alors Allah, Jalla wa'ala, lui révéla, lui fit une révélation. Et dans une traduction relative du sens du verset, Allah lui dit, il y aura un signe. Quand tu le vois, montez, toi et ceux qui ont cru, sur cette arche. L'arche est maintenant finie et prête. Et donc Allah, Jalla wa'ala, dit à Nour, tu vois ce four, là où le feu sort, si tu vois de l'eau bouillonner dans ce four, alors sache que ce sera le signe. Et là, le châtiment commencera, alors vous monterez toi et ceux qui ont cru sur l'arche. Et donc les savants ont expliqué différentes explications, ont expliqué le terme Tanur, qui est mentionné dans le verset, qui est traduit de manière littérale, là c'est une traduction littérale, du four. Et les savants ont donné une explication à cela. L'important, c'est donc que là ensuite, Nour devait attendre le signe. Et un jour, alors que Nour était en train d'attendre, il restait attendre toujours, il était à l'attente de ce signe, un jour le signe apparut. Et il comprit justement que le châtiment allait commencer. Et donc il s'est dépêché vers ceux qui ont cru. Il leur a demandé de monter dans l'arche. Car tous ceux qui allaient être sauvés, c'était ceux qui allaient monter dans l'arche. Ils avaient l'ordre, les croyants avaient l'ordre de se réfugier dans l'arche avec Nour, alayhi salam. Alors les gens les regardaient avec étonnement. Imaginez-vous la situation à l'époque. Ils sont loin de la mer. Il n'y a pas la mer à proximité. Ils sont pas sur les côtes. Il n'y a pas de fleuve. Il n'y a rien qui puisse apparaître. Expliquant le fait de construire une arche. Et là, après la construction, alors qu'ils construisaient l'arche, ils les prenaient en dérision et se moquaient d'eux, mais là maintenant, ils voient justement les croyants monter dans l'arche, dans cette sorte de bateau, alors qu'il n'y a pas d'eau, alors qu'il n'y a pas de fleuve à proximité. Et donc là, les gens, lorsque Nour a eu l'ordre, justement après l'apparition de ce signe, de monter dans l'arche, et d'appeler ceux qui ont cru à se réfugier avec lui dans l'arche, alors les gens les regardaient avec étonnement. Et ils se disent, mais ils sont devenus fous. Ceux qui avaient la foi, donc, sont montés avec Nour, alayhi salam, sans hésitation. Et justement, on a un verset, là nous dit dans le Coran, dans la sourate 11, le verset 40, une traduction rapprochée du sens du verset, là nous dit, puis lorsque notre commandement vint, et que le four se mit à bouillonner, nous dîmes, charge dans l'arche un couple de chaque espèce, ainsi que ta famille, sauf ceux contre qui le décret est déjà prononcé. Alors le décret avait déjà été prononcé pour l'un de ses fils, et aussi pour sa femme, qui n'allait pas faire partie de ceux qui seront sauvés, qui seront en compagnie de Nour dans l'arche. Donc l'un de ses fils ne s'est pas réfugié dans l'arche alors que son père Nour l'appelait. Et sa femme, elle était déjà morte depuis un certain temps, comme il a rapporté. Alors lorsque, comme on a dit précédemment, ils sont montés dans l'arche, les gens alors les regardaient, ils disaient, mais qu'est-ce que Nour a? Et Nour, alors qu'il est monté dans l'arche, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que il remercie Allah et il a invoqué Allah. N'a jamais délaissé l'invocation d'Allah. Et pour ça, il nous est même rapporté dans la sourate 54, le verset 10, où Nuh dit, Fada'a Rabbahu, anni. Il invoqua donc son Seigneur, en traduction relative, moi je suis vaincu, fais triompher ta cause. Donc Nuh, en s'adressant à Allah subhanahu wa ta'ala, son Seigneur lui disait, moi je suis vaincu, fais triompher ta cause au Seigneur. Et dans un autre verset, Walaqad nadana Nuhun. Dans un autre verset, Allah nous dit, dans la sourate 37, verset 75, Nour, en effet, fit appel à nous, qui sommes le meilleur répondeur, c'est-à-dire, et nous sommes les meilleurs répondeurs qui exaucent les prières. Ainsi, quand tous les croyants étaient montés sur l'arche, quand Nour et les croyants, et même il est rapporté des animaux sont montés dans l'arche, sur l'arche, le peuple de Nour Ceux qui méprisaient Noé et réfutaient son appel ne cessaient toujours de se moquer de lui. Alors il les regardait, il se moquait de lui. Donc regardez, pendant qu'il avait construit là, qu'il construisait l'arche, il se moquait de lui en disant qu'il était devenu fou. Donc il le traitait de fou. Et après, lorsqu'il monte dans l'arche, il le traitait toujours de fou. Comme on a dit précédemment, il ne comprenait pas cela. Et là, et c'est là qu'il est rapporté qu'ensuite le châtiment a commencé. Et dans un verset, dans le verset 54, verset 11, Allah Jalla nous dit une traduction approchée du sens, et nous ouvrîmes alors les portes du ciel à une eau torrentielle. À une eau torrentielle. C'est-à-dire que le ciel a commencé à pleuvoir. Mais ce n'était pas une pluie normale, mais c'était plutôt comme de l'eau versée, comme si de l'eau était versée d'un seau. Et il n'y a pas eu que cela. L'eau a commencé à sortir des sources, et de l'eau, de cette eau qui vient du ciel et de la terre, Allah Jalla nous dit, nous ouvrîmes alors les portes du ciel à une eau torrentielle, et fîmes jaillir la terre en source, les eaux se rencontrèrent d'après un ordre qui était déjà décrété dans une chose faite. Et là, l'arche a commencé à flotter sur l'eau, et nous le portâmes sur un objet fait de planches et de clous, c'est-à-dire l'arche, une traduction relative du verset. Alors, le peuple de Noé, les infidèles du peuple de Noé, les non-croyants, ont commencé à se réfugier dans leur maison. Et le niveau d'eau, il est rapporté, commençait à dépasser leur maison. Et donc ensuite, ils essayaient de se mettre à l'abri, donc ils montaient sur les toits des maisons. Et les gens ainsi essayaient de se réfugier. Ils essayaient de se réfugier aussi dans les hauteurs des montagnes, mais les vagues étaient tellement hautes, et donc l'eau aussi continuait de tomber du ciel et de sortir des sources, et le niveau de l'eau, de ce déluge, car c'était le déluge, montait. Donc le niveau de l'eau montait. C'est pour ça qu'il est dit, et elle vogua en les emportant au milieu des vagues comme des montagnes. Et les vagues avaient la hauteur des montagnes. Donc imaginez-vous cela, ce spectacle, vous voyez la hauteur des montagnes, et bien les vagues étaient de cette hauteur. Et les gens criaient et fuyaient. Et les gens donc se noyaient, et ils cherchaient tous un refuge. Mais là, il n'y avait pas de refuge contre le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, contre le châtiment du Seigneur. Et ça fait partie de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez, tout ça après 950 années de moquerie et d'ignorance qu'avait ce peuple et qu'a subi Nuh alayhi salam, après 950 ans de patience, 950 ans face aux moqueries, 950 ans face aux préjudices. Alors, la promesse d'Allah, les avertissements que Nuh leur faisait ce jour-là, ce décret-là, s'est exécuté et s'est réalisé. Et donc, le niveau d'eau ne cessait de s'élever. Ne cessaient de s'élever. Et Noé, lui et ceux qui ont cru, ils étaient sur l'arche, sains et saufs. Et alors que la pluie et les sources ont explosé au point que les vagues ont atteint, comme on a dit, les hauteurs des montagnes. Et lui, Noé, de son côté, il appelait les croyants à être sauvés. Donc il les appelait à monter sur l'arche en leur disant, montez dedans, que ça se course. Que sa course et son mouillage soient au nom d'Allah, certes, mon Seigneur et pardonneur et miséricordieux. Irkabu fiha, irkabu, qala, irkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha. Inna Rabbi la ghafurur rahim. Dans la sourate Hud, le verset 41, une traduction relative, wa qala irkabu fiha bismillahi Majalaha wa mursaha, inna rabbi la ghafurur rahim. Il leur dit, montez, montez dedans, que sa course et son mouillage soient au nom d'Allah, certes notre Seigneur et pardonneur et miséricordieux. On va se quitter sur cela, bi'idhnillah, et on essaiera de continuer, inshallah, dans une prochaine assise. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.